Ouais, t'es sur mon répondeur. Laisse un message. Oui, c'est moi. Ça fait plusieurs messages que je te laisse. Ça fait des semaines que j'ai plus de nouvelles. Je suis passée chez toi avec la clé que tu m'as laissée tout à l'heure et je comprends pas. J'ai vu des trucs, de blackouts, tout ça et je t'avoue que là, j'ai besoin d'explications. J'aimerais savoir ce qui se passe. J'ai aussi essayé d'appeler tes amis et personne ne sait où t'es ni ce que tu fais, alors... Je m'inquiète un peu, s'il te plaît. Rappelle-moi. Et si la fin, c'était que le début ?